99% du temps, je ferme mon cellulaire. Ce matin, je ne peux pas le fermer. J'ai quelque chose qui risque de rentrer, qui peut me dire la. Donc, je m'excuse s'il ferme. Mais je vais essayer de ne prendre que l'appel que j'attends. C'est là. Donc, je récapitule. Alors, revision rapide. Même si vous en savez déjà plus que moi sur ces chapitres-là, je vais quand même prendre là. Donc, si on parle des matopoyèges, des micropoyèges, de leucopoyèges, de mégacaryocytopoyèges, tout se fait dans le moelle des os. On s'est dit que chez les néonatologie ou chez les enfants jeunes, on pourrait prélever théoriquement de la moelle dans plusieurs os, ce qui n'est pas le cas rendu à notre âge. Il nous reste à peu près, bout de moi, les mêmes endroits, accessibles le sternum, les crêtes iliaques. Inaccessibles, mais hépatopoïétiques, les côtes, les têtes des grands os. Mais on ne va pas casser une côte en entrant dans un trois quarts pour aller chercher de la moelle. Le sang, on a vu, c'est le miroir de la moelle dans la majorité des situations. Mais il n'y a aucun diagnostic lourd de conséquences qui est posé sur du sang périphérique. On va faire le sang périphérique, on va avoir une bonne idée, et ensuite, le hématologiste posera le diagnostic sur un prélèvement médulaire. Vous voyez, j'utilise un peu plus le vocabulaire correct, okay, qui était dans la, je dirais, dans les textes à regarder. Donc, on va prélever la moelle avec un trocard, on anesthésie, on prélève tout, c'est pas douloureux. Et en passant, si on veut faire une greffe de moelle, ben, c'est tout ce qu'on fait. On prélève la moelle dans le crâne ou une centaine de millilitres, et on la met dans la veine du patient qui va recevoir. Donc, le phénomène qu'on a appris la semaine passée de diabase ou de diapédèse, c'est-à-dire quand des cellules sont matures dans la moelle, qu'elles passent dans le sang périphérique, le phénomène inverse qui s'appelle gloming, les cellules de la moelle qu'on va mettre dans le sang vont partir, vont s'en aller dans la moelle des os hématopoïétiques et vont aller recoloniser les os hématopoïétiques pour refaire. C'est aussi simple que ça, une graine de moelle. Techniquement parlant, d'un point de vue de la réalité, c'est autre chose, complètement différent. Alors, c'est extrêmement difficile pour le receveur. Donc, c'est pas la technique qui est difficile, c'est qu'il faut détruire sa moelle. Donc, on détruit complètement sa moelle, parce qu'on comprend qu'il y a un cancer hématologique, par exemple, une leucémie, myéloïde, en transformation plastique. Alors, on va détruire sa moelle, chimiothérapie, radiothérapie, il n'y a plus de moelle. Plus de moelle, plus de production de rien, plus de défense de rien. Donc, ça veut dire que un des premiers signes, on est presque plus capable de manger parce que la bouche vient complètement pleine de muguet et on est dans une chambre isolée complètement. Tout est stérile, mais malgré ça, le muguet pousse à outrance. Donc, ça fait que le patient est plus capable d'avaler. Souvent, ça fait une alimentation parentérale, etc. La première cellule, quand la moelle va être recolonisée, ça va être quoi? On va aller chercher. C'est quoi? Sur quoi on va se baser pour dire « Ah, la moelle est prise. » Quelle cellule va sortir la première? Réticulocyte. Réticulocyte, c'est le précurseur du globule rouge. Donc, les nouveaux réticulocytes vont être les premiers à sortir de la moelle et c'est la cellule qu'on va utiliser pour dire que la moelle commence à se prendre correctement dans le sang périphérique. Donc, vous avez tous, comme moi, appris tous les facteurs qui influencent l'érythropoïèse ou l'endopoïèse, tous les interleukines et tout ça. Bravo. Je vous rappelle juste qu'on a nos cellules souches totipotentes. Donc, il ne faut jamais altérer ce capital cellulaire. Par exemple, les radiations vont atteindre ce capital cellulaire. Le benzène, par exemple, dans les solvants de peinture et tout ça. Pas par les gens, en faisant des feintes en ventilant et tout ça, il y a des risques en termes de capital de souche. Si vous atteignez le capital cellulaire ici, qui est la cellule souche, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça va s'appeler une aplasie médulaire. Si le capital souche est fonctionnel, oui. Si on s'injectait tout le temps des. Pas tout le temps, mais si on s'injectait régulièrement autour des cellules souches, comme ça, est-ce qu'on serait en super santé? Non. Ça ne changerait rien dans l'équilibre? Il ne rentrerait même pas dans la moelle. Il ne rentrerait même pas dans la moelle parce que, dans le fond, la moelle est déjà saturée de ses cellules. Ça serait une perte. Donc, les cellules vont se différencier pour s'aligner dans les grands axes. L'axe myéloïde, l'axe lymphoïde. L'axe lymphoïde va donner certaines cellules, l'axe myéloïde d'autres. Je donne l'exemple ici des globules rouges parce que c'est ceux que vous allez rencontrer le plus souvent et c'est ceux qui font partie de la loi où vous pourrez faire de l'interprétation. Vous n'avez pas le droit de dire à votre client, je pense que tu as un profil de leucémie myéloïde chronique. Vous n'avez pas le droit, ça ne fait pas partie de votre erreur. Par contre, vous avez le droit de dire, wow, il y a une anémie. Avec les tests qu'on a, on est capable de dire que quand c'est une anémie fébrile, il y a un cancer comme ça, ça va être ça. Vous avez le droit. Donc, on va regarder plus cet élément-là. Et on a, à chaque, on est toujours dans la moelle ici, on a à chaque stade de la maturation. Donc, le BFU devient un CFU parce qu'il y a eu des stimulations érythropoïétiques et d'autres. Le CFU devient un pro-érythroblaste et ainsi de suite. Toujours après ça, c'est une multiplication. Donc, une cellule va donner de nombreux globules. Oui. J'ai une petite question par rapport à la cellule souche. Je vois ici que écrit moelle et sang. Est-ce qu'on peut trouver des cellules souches dans le sang? Oui. Maintenant, on sait qu'il y a de la recirculation de quelques cellules souches. Dans la littérature, même dans le journal, vous allez entendre parler des CD34. Quand ils parlent de greffe de moelle, de gène, ils vont parler de cellules souches CD34. Donc, c'est bien un marqueur à la surface des cellules. Et on sait que c'est une très, très jeune cellule qui recircule. Donc, on part comme ça et on amplifie la réponse pour obtenir ici, dans la moelle, un bon nombre de globules rouges qui vont passer dans le sang périphérique et un petit nombre de réticulocytes qui vont passer dans le sang périphérique. Si vous perdez beaucoup de sang, hémorragie, hémolyse, il y aura une accélération ici, parce que le rein va produire plus d'érythropoïétine. Ça va s'accélérer. Vous allez relâcher beaucoup plus de réticulocytes. C'est comme ça que vous allez mesurer que la moelle est régénérative. Il n'y a que deux situations en clinique où on a une augmentation de réticulocytes, c'est les anémies hémorragiques et les anémies hémolytiques. Donc, on hémolyse les globules rouges, par exemple, ce qui pourrait arriver à faiblir dans certaines circonstances, ou on a une hémorragie. Hémorragie, vous carrez avec la pluie, je coupe le bras, je le tiens ce matin-là, ça coule ça. Ça, c'est une hémorragie visible, mais il y a des hémorragies, dans le fond, qui sont plus frustes, qu'on ne voit pas, et qui vont quand même donner une certaine régénération. Oui? Au niveau des cellules souches, est-ce qu'il y a une question de est-ce qu'il faut être compatible les uns les autres ou c'est bon pour tout le monde? Mes cellules souches, on peut les donner à n'importe qui? Non. Donc, il faut être compatible les uns les autres? Il y a quand même une compatibilité à aller chercher. Donc, pour une charge de moelle, la même chose, la compatibilité qu'on appelle HLA. Si on prend les cellules souches de cordon, on a moins forte prédominance à HLA et on est capable de faire plus facilement des greffes. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce que les gens font de plus en plus, c'est des greffes autologues. On prend notre sang dans un bras, on épure dans des machines, on garde des cellules souches qui circulent, on se parle de ça, et on les réinjecte dans nos bras. Ça s'appelle une greffe, dans le fond, qui est autologue. On est capable de faire des choses comme ça. C'est peut-être pas encore complètement courant. C'est pas courant, mais ça existe. Ça s'en vient. Ça va diminuer la pression sur les greffes allogéniques. Et donc, ça va faciliter les greffes. Mais il ne faut pas que notre cellule souche soit atteinte. Si vous avez un cancer qui touche ceci, vous n'aurez rien fait ça. Si vous avez un problème à ce niveau-là, un problème d'aller chercher ça. Mm-hmm. Mais si vous avez une atteinte là, ça n'a rien. Oui? Ben, je me demandais juste pourquoi l'enlever puis le remettre. Je veux dire, les cellules souches, ils sont quand même là déjà, puis ils vont pas circuler. Oui, mais pas suffisamment. Donc, on les concentre, on détruit la moelle et on réinjecte ces cellules souches-là. Mais c'est pas, comme je dis, là, c'est pas quelque chose de très utilisé pour l'instant, mais c'est fort probablement l'avenir. On est neuf, oui. Pour la sécrétion des érythropoïétiques, oui. Est-ce que c'est seulement le rein ou bien le foie Le rein, quand on est adulte, okay, si vous avez une néphropathie sévère et qu'on a enlevé les deux reins, on s'est dit que l'hématocrite ne tombe pas à zéro. Donc, c'est le foie qui prend la relève du rein en faible proportion. Pourquoi? Parce que quand on était fœtus, c'est le foie qui faisait la job. C'est le foie qui produisait le PO. Donc, il tombe au neutre pendant notre vie adulte, mais si on a besoin de restimulation, il est capable d'en faire un peu. Sinon, on aurait un hématocrite de zéro. Il n'y aurait plus de globules rouges, tout simplement. Dans l'organisme. Ça vous va? Oui. Donc, on a reparlé brièvement de la moelle, de l'EPO, qui est un des facteurs. On a parlé, il y a des vitamines B12, folate, on a parlé des microcytoses, des macrocytoses. Je vous ai amené, pour que ça soit concret, j'en ai des rats. C'est pour vous montrer. Vous avez fait l'anatomie, oui? Vous l'avez vu? Des rats? Non, mais on l'a vu dans le cadavre, là. Oui, elle pensait que c'était ça. C'était la rate. Oui, c'était gros de même, là. D'abord, la pompe. Hein? Essayez d'imaginer une de vos pompes que vous avez achetée à quelque part qui va durer presque 80 ans, qui va fonctionner 24 heures par jour. C'est fantastique. Vous avez les coronaires, on voit très bien, qui irriguent en fond le cœur. Vous avez les coronaires qui irriguent le cœur ici, vous en avez d'autres ici. Donc, c'est vraiment quand on parle d'un problème coronarien, c'est ici que ça bouche, et là, il y a cette zone, par exemple, si on bouche ici le coronaire, bien, cette zone du cœur n'est plus irriguée. Donc, si elle n'est plus irriguée, elle n'est plus capable de battre à la même vitesse que le reste. Ça fait ce qu'on appelle une zone à l'intérieur. Dans le ventricule, ça fait une zone de turbulence. Les plaquettes, on verra, les plaquettes vont venir se coller là. Ça va faire des thrombus. Et les thrombus cardiaques, la plupart du temps, ils vont décoller. Ils vont partir par l'aorte et ils vont aller se localiser, par exemple, dans une jambe. Pourquoi dans une jambe? Parce que c'est là qu'on a le temps de résidence sanguine la plus longue. C'est là que le flux dans le mollet est le moins rapide. Et ça va bloquer là, ça va faire une phlébite. Donc, les quatre points cardinaux, rougeur, chaleur, douleur. C'est quoi, là, M. Édème? Édème, c'est bon. Donc, les quatre points cardinaux vont se retrouver. Donc, ça, c'est notre petite pompe qui est à peu près de grosseur normale. Vous voyez, la sortie aortique, c'est quand même assez gros comme vaisseau. Il y a toutes sortes d'anomalies au laboratoire d'anatomie. On a un monsieur d'à peu près 6 pieds 2, pas très gros, mais 6 pieds 2, qui est décédé. Et à l'autopsie, ben, il avait un cœur à peu près deux fois plus petit que ça. Wow. Et il n'a jamais eu de problème. Ça fonctionne. Par contre, vendredi, quand je suis allé chercher les rats pour vous, il y avait disséqué quelqu'un qui avait une splénomégalie. Je n'ai jamais vu. Dans la littérature, des fois, on voit des dessins où la rate va couvrir comme ça. La rate était à peu près comme ça. Je n'ai jamais vu. Le foie était plus gros encore que la rate. Tu te demandes comment... Donc, ça veut dire qu'à chaque inspiration, il va avoir une douleur comme telle. Ça arrive dans certaines pathologies où il y a beaucoup d'infiltration de globules blancs. La rate est grosse comme ça. J'en ai jamais vu de ma vie, excepté des dessins dans des livres. C'est assez spectaculaire. Donc là, il ne faut pas que je fasse de dégâts. Non. On a bien avisé. Donc, votre rate, une roche. À peu près la grosseur normale d'une rate. 200 grammes, à peu près. Celle du monsieur dont je vous parle pesait 1800 grammes. Okay. Ça, vous n'êtes pas capable de la peser, vous n'êtes pas capable de la palper sous le rebord costal. C'est trop petit. Oui. Est-ce oui, dans l'hypocôme gauche, cachée par la dernière côte. Okay? Vous n'êtes pas capable de la palper, c'est trop petit. Ici, on est à peu près à 3-4 cm sous le rebord costal. Donc ça, on est capable, le médecin est capable de la palper. Ça, c'est deux différences. Deux non, la côté, elle est double. Oui, c'est ça. Ça, c'est palpable sous le rebord costal. Elle pèse à peu près 450 grammes. Oui, c'est malade. Oui, splénomégalie. Et vous voyez la différence? Donc là, on est capable de le palper. Sur... Fait, si votre médecin vient qu'à vous dire un jour qu'on palpe votre rate, ouais, il y a une splénomégalie, ça commence à grossir. OK? Vous voyez la différence? C'est des troubles immunitaires qui doivent avoir la splénomégalie? Ou plusieurs? C'est dans l'ordre de la possibilité des choses, mais c'est très rare. En général, c'est souvent des... Il y a... Des cancers. La plupart des formes de cancer vont donner des spécificités. Cancer hématologique, surtout. Puis, il y a toutes sortes d'autres problèmes. Alors, un problème de globules rouges, d'intégrité des globules rouges, donnerait aussi un problème de splénomégalie. Et on verra tantôt. C'est un poumon. Bon. Ben, c'est les alvéoles de bord. C'est de l'air. C'est ce qu'il y avait, ouais. Ce que tu pouvais remplir pour les poumons. C'est ça. Donc, c'est les bronches. Okay. Ça, c'est de l'air qui a été envoyé dans les poumons. Ah. Après ça, on a dissous complètement. On a mis un moule, on a dissous le tissu complètement. Et ça, c'est l'équivalent de l'air dans vos poumons. Ah. Donc, quand vous respirez, ce qu'on verra tantôt, c'est que sur toutes ces petites billes-là, l'air, c'est de l'air, donc elle est très près du circuit sanguin. On va pouvoir faire passer l'oxygène facilement de là vers le globule rouge, qui lui va passer à la queue leu-leu dans les capillaires pulmonaires. Donc à la queue leu-leu, ben, on est capable de faire rentrer un gaz qui s'appelle l'oxygène. On est capable de le faire rentrer facilement dans le globule rouge. Au poumon, on va le charger en oxygène. Puis quand on va arriver dans les tissus, on va relâcher l'oxygène, puis on verra comment ça se fait dans tout. Alors, donc ça, c'est vos bronches. Oui, vos pignes, dans ce cas, ça me plaît. Pas mal. Ouais, ben moi, j'avais fouillé des armoires. J'aimais mieux ça que les cadavres. Vous avez vu, là, un peu en anatomie. Donc, ça vous donne un peu... Avec le cœur de girafe qui était gros. C'est bon pour ça? Oui, allez à la page. Pour voir si vous avez travaillé, allez à la page à peu près 144. Ça s'appelle exercice. Donc, vous avez fait des exercices, je suis certain. Vous avez tout le monde été voir à la fin du matin. Vous avez trouvé ça. Ah, ben c'est bon que vous ne les ayez pas fait. Donc, l'anémie macrocytaire. Client est le résultat d'une érythrocytose. C'est un peu d'étymologie, un peu sémantique, puis un peu de physiologie. Donc, anémie macrocytaire de cette cliente est le résultat d'une érythrocytose. D'abord, Manolène, traduisez-moi la phrase. Ah ouais. Lesquelles? OK. Vous êtes fière de la résultat d'une érythrocytose. Là, érythrocytose, je sais que ça touche le globule rouge, mais je ne sais pas c'est quoi. Suffixe « ose », c'est quoi? Augmentation. Toujours. Un mot qui se termine par « ose », c'est une augmentation. Un mot qui se termine, en médecine, un mot qui se termine par « péni », c'est une diminution. Oui. Donc, mademoiselle, là, je ne sais pas encore les noms, je ne les saurais pas, c'est quelque chose, probablement. Est-ce que ça se peut? Non. Pourquoi? Parce que s'il y a plus de divisions cellulaires, elles sont pas plus grosses. S'il y a plus de divisions cellulaires, ça vient d'où, ça, plus de divisions cellulaires? L'érythrocytose. Il y a une augmentation du nombre de. Oui. Il n'y a pas nécessairement plus de divisions. Il y a plus de production. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une anémie macrocytaire si on a plus de production de globules? Si vous avez plus de production de globules, il n'y a pas d'anémie. Anémie, A, ça veut dire sang. Hémie, S-A-N-G, sang. Sang, donc c'est pas le cas. Mais s'il y a un problème au niveau de l'hémoglobine sur le globule rouge, on peut avoir plein de globules rouges, mais des histamines. Un problème d'hémoglobine au niveau du globule rouge, ça veut dire quoi? Je me lance, mais mettons que le globule rouge n'est pas capable de fixer le fer. Il y en a plein, les globules rouges, mais ils ne sont pas efficaces. Ça se peut-tu? Non, ça n'existe pas. Je connais pas. Je ne sais pas que ça existe pas, okay, mais je connais pas. Bon. Deuxième, l'érythroblastose observée chez cette cliente est le résultat de son aplasie médulaire. Bonne modèle. On traduit d'abord la phrase. OK. L'érythroblaste, c'est quoi donc? Blast, c'est toujours jeune. Donc là, on dit érythro rouge, blast jeune, ose augmentation. Augmentation des cellules jeunes de la lignée érythroïde. Oui. Observée chez cette cliente, elle est la résultante d'une aplasie médulaire. Ça veut dire d'une baisse. OK. Next. Aplasie. Médulaire. Aplasie, c'est manque. Manque. Médulaire de la. Moelle. Moelle. Moelle. C'est l'adjectif qui va avec. Moelle, c'est médulaire. Ah, ah, ah. C'est ça. Il y a tout le quoi. Il y a tout le quoi à apprendre. Donc. Alors, c'est oui. Pardon? C'est oui. Moi, je dis non. Donc, est-ce que l'érythroblastose observée chez cette cliente est la résultante de son aplasie médulaire? Mais s'il n'y a pas de moelle, il pourrait avoir. Ah, oh, mais tos. Non, OK, c'est non. Mais donc, on ne peut pas avoir une augmentation de l'activité médulaire. L'aplasie, une diminution de l'activité médulaire, tu vas avoir une augmentation du nombre d'érythroblastes. Ça tient bon. C'est bon? L'hémorragie dans cette situation de dystocie est possible. Oui, mademoiselle. Traduction, d'abord. Ben, l'hémorragie, l'écoulement de sang dans les vaisseaux. Okay. Dans cette situation de dystocie, de mauvais travail, d'arrêt de travail. Difficulté. 10 d'habitude, c'est difficulté. Impossible, ben oui, bon. Certain. On va répondre. Oui. La dysménorrhée est normale dans une grossesse. Malheur. J'ai écrit ça sans savoir. Oh, vous auriez de moi, vous, allez-y donc. C'est impossible, la dysménorrhée, c'est des douleurs de rêve. Ça marche pas. Morphin, mon endocrino. C'est bon. Elle dit que c'est impossible. Elle dit que je ne l'avais pas, mais pas du tout. On n'a pas de règles de ronde. Le dossier de cette cliente montre des signes de thrombopénie sévère résultant d'une thrombocytose. Ah, vous riez, vous, allez-y donc. Parce que j'étais pas là au premier cours, donc je vais me lancer. Voilà, mais Penny, on a dit que c'était une diminution. Oui. Puis on dit que c'est une augmentation, c'est pas une augmentation. C'est beaucoup contradictoire. C'est bon. C'est bon. Donc, vous voyez, c'est un peu, je pense que vous avez fait un bout de travail. C'est important pour qu'on puisse se comprendre pour la suite des événements. Donc, on va repartir avec notre petit globule rouge pour bien comprendre avant d'aller voir notre nos premières formules simples. Oui? Excuse-moi, une question. Les cellules souches, ils font-ils aussi les globules blancs? Oui, les cellules souches, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'elle va devenir. Comme ça, on est incapable de savoir ce qu'elle va donner. Une cellule souche, même, ceux qui circulent dans la circulation sanguine, ont la plupart du temps l'aspect d'un tout petit lymphocyte. mais on n'est pas capable de dire si on impossède une cellule souche, à moins d'utiliser des marqueurs qu'on appelle de l'immunochimie ou l'immunocytométrie pour être capable de les identifier. Mais ce n'est pas à l'œil qu'on est capable de les identifier. Donc, dans la moelle, toujours, on aura la formation de toutes ces cellules-là de la lignée des globules rouges. Quand je parle d'une lignée cellulaire, et c'est ce que vous verrez dans la littérature aussi, ou c'est ce que vous aurez éventuellement en discussion avec des collègues, une lignée cellulaire, c'est quand on est capable de reconnaître la cellule en microscope. C'est là que commence la lignée cellulaire. Donc, la cellule la plus jeune de la lignée érythroïde qu'on est capable de reconnaître au microscope, c'est le pro-érythroblast. Ou dans d'autres nomenclatures, le pro-normoblast, ça veut dire. Sur en haut de ça qui existe dans la moelle, le BFU et le CFU, là, ça ressemble un peu à ça. Puis on n'est pas capable de les distinguer, on n'est pas capable de les reconnaître. Donc, ils ne font pas partie comme celles. Ils font partie de la lignée d'un point de vue ontogénique, mais ils ne font pas partie de la définition de la lignée cellulaire. Donc, au microscope, on est capable de reconnaître chacun de ces stades de maturation. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Au début, c'est une très grande cellule qui, à chaque division, va devenir un peu plus petite pour arriver à un globule rouge. Au début, le cytoplasme, il est bleu foncé. Bleu foncé. Et ça finit qu'on a un globule rouge rouge. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est la synthèse de l'hémoglobine. Synthèse de l'hémoglobine, commandée par les gènes, dans le fond, qui sont dans le noyau. Maintenant, d'un point de vue chrome, d'un point de vue couleur, quand je mêle du bleu, puis du rouge. Ça fait quoi? Violet. Donc, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de lui, on va avoir des modifications de la couleur du cytoplasme qui vont être dépendantes de la quantité d'hémoglobine. Plus j'aurai de rouge de synthétiser comparativement au bleu du cytoplasme, plus je vais être violet, jusqu'à m'en aller vers le rouge complet. Je vais, au niveau, donc, les stades de maturation, érythroblast basophile, basophile 1, basophile 2, érythroblast polychromatophile. Polychromatophile, plusieurs couleurs. Polychromatophile, plusieurs couleurs dans le cytoplasme. Érythroblast acidophile, il est rouge, il est devenu pas mal rouge. Et c'est là qu'on va extruder le noyau. C'est au stade de l'érythroblast acidophile qu'on va extruder le noyau. Donc, il n'y aura plus de noyau dans notre globule rouge. Le réticulocyte et finalement le globule rouge. Dans la moelle de nos os, je veux juste que vous rappeliez, il en existe des globules rouges. Ils ne vont pas tous sortir au fur et à mesure qu'ils vont être fabriqués. Donc, il existe des réticulocytes, il existe des globules rouges. Quand ça sort dans le centre périphérique, le réticulocyte, il met à peu près 48 heures avant de devenir un globule rouge. On va le reconnaître sur un frottis parce qu'il lui reste un peu de bleuté. Donc, il n'y aura pas la même teinte que lui. Il va être un peu bleuté sur un frottis. Et quand je le verrai, ou quand j'en verrai plusieurs sur un frottis, vous allez voir apparaître dans votre rapport de laboratoire le mot polychromatophilie. Si quelqu'un vous retourne un rapport de laboratoire avec polychromatophilie, vous devez interpréter comme présence de réticulocytes. Plusieurs couleurs, le rouge, du globule rouge, et le bleuté du réticulocyte. Donc, polychromatophilie, en général, pour un clinicien, ça veut dire la moelle est en accélération, est en production. Donc, si je remonte, ça veut probablement dire qu'il y a une hémorragie ou qu'il y a de l'hémolyse des globules rouges à quelque part dans l'organisme. C'est bon? Donc, tout ça, on rencontre ça dans la moelle de nos os érythropoïétiques et ça sort par diabase ou diapédèse dans notre sang périphérique. Même chose, même représentation ici, à partir de notre lignée. de pro-normoblastes et les cellules sont toujours dans cette lignée-là, mais qu'on n'est pas capable d'identifier, qui vont nous mener jusque vers la cellule souche en haut. Donc, si vous atteignez, d'un point de vue physiopathe, si vous atteignez des cellules ici, mettons, vous faites de l'hémolyse, tant que le reste est correct, c'est pas trop grave. Mais si vous atteignez ici, rien ne fonctionne. Donc, c'est là que vous n'aurez pas le choix, par exemple, que les clients doivent être transfusés. Oui. Est-ce que là, vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il y a les phases là, de différenciation, maturation? Quand est-ce qu'elles arrivent? Ouais. On les voyait bien dans le premier schéma, où on voit quand ça se différencie, on part de la cellule source, on s'engage dans le processus myéloïde ou lymphoïde. Ensuite de ça, on se subdivise en un pro-normoblaste qui va donner des normoblastes basophiles, après ça, acide polychromatophile, etc. Donc, ça va s'amplifier comme ça. Donc, et la maturation, elle se fait tout au long du processus. Oui, maturation. Oui, tout à fait en même temps. C'est bon pour ça? Donc, ce qui vous intéresse beaucoup, c'est ça. C'est quand même toutes les molécules qui sont sur un globule rouge, dans un globule rouge, et ces réactions-là. Donc, comme on s'est dit la semaine passée, matière à examen, c'est sûr, pour l'examen du février. Ah, ce que je veux juste vous dire là-dedans, c'est les méchantes langues, comme les biochimistes, mettons, vont vous dire qu'un globule rouge, c'est un sac qui contient de l'hémoglobine. Il faut vraiment être méchant pour penser comme ça. C'est loin d'être un sac qui contient de l'hémoglobine. Beaucoup de réactions biochimiques doivent avoir lieu au quotidien de la vie du globule rouge pour maintenir l'intégrité de l'hémoglobine. Sinon, toutes les agressions détruiraient rapidement le globule rouge et, dans le fond, ça ne serait pas efficient. Donc, il y a énormément de molécules qui fonctionnent. C'est une cellule qui fonctionne au glucose, un peu comme nos neurones. C'est une cellule qui n'a pas de noyau, comme la plaquette. Si elle n'a pas de noyau, si vous l'agressez, si la cellule est agressée à quelque part, elle n'est plus capable de régénérer rien, il n'y a pas de noyau. C'est donc un globule rouge, par exemple, où on coupe sa glycolyse, il meurt rapidement. Parce qu'il ne peut pas régénérer ses enzymes de la glycolyse. La même chose pour la plaquette, si vous prenez de l'aspirine aujourd'hui, puis demain, vous faites un temps de saignement, ça va saigner plus longtemps. Parce que les plaquettes qui auront été en contact avec l'aspirine ne sont plus fonctionnelles. Ils sont là encore, mais ils ne sont plus fonctionnelles. Donc, ça va prendre plus de temps à boucher l'ouverture. Donc, l'épanchement sanguin va être plus long, mesuré par un test standardisé. Donc, vos clients qui vous diront, et on le verra quand on arrivera en hémostase, qui vous diront, oh, ça fait 5 jours, j'ai mal à la tête. J'ai pris l'aspirine. Ça dit pour faire un temps de saignement, la réalité va revenir, de les capoter, puis elle va capoter. Ça ne donne rien, mais c'est sûr que ça va être plus longtemps. Donc, c'est, vous aurez, vous allez apprendre ça tranquillement en faisant vos analyses. Oui? C'est sûr que ça va être quoi? Plus long, allongé. Donc, quoi? Le temps de saignement va être, va être allongé. On les reverra tantôt, quand on ne va pas tantôt. Dans le cours. Donc, juste pour vous dire qu'il y a énormément de réactions, c'est pas ces réactions-là qu'on va étudier, mais c'est pas juste un sac qui contient de l'hémoglobine. Oui? C'est juste une question pour savoir, il y a une maladie génétique qui atteint juste les hommes, le sexe masculin? C'est toutes les maladies qui atteignent juste les hommes. Comme quoi, ils n'ont pas de plaquettes... Quelle maladie? L'hémophilie. L'hémophilie? Est-ce qu'ils n'ont pas de plaquettes ou bien... Par rapport. Un hémophile ne saigne pas plus longtemps qu'une personne normale. Il ne fait pas ce qu'on appelle la coagulation. Donc, il y a ce qu'on appelle des hémorragies récidivantes. Quelle image je pourrais vous donner d'un hémophile? Pour que vous... OK, oui. Un hémophile, par exemple, les gars, c'est les gars, les femmes sont porteuses, les gars, je fais la barbe, je me coupe. J'ai un problème avec l'hémostase primaire. Okay? ça ne va pas arrêter de saigner. Je vais mettre mon petit Kleenex, ça saigne, c'est long à arrêter de saigner. Je suis hémophile. Ça arrête comme la norme et ça recommence à saigner. C'est ce qu'on appelle des hémorragies récidivantes. Donc, je fais juste enlever mon petit papier, oups, ça recommence à saigner. Donc, c'est le bouchon hémostatique fait par les plaquettes qui ne tient pas. Mais ce n'est pas à cause des plaquettes, c'est à cause des facteurs de coagulation qu'on verra. Voilà. Donc, c'est correct pour le globule rouge. On n'ira pas beaucoup plus loin que ça, et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Oui? L'hémostase, ça veut dire... L'hémostase, c'est l'équivalent de la coagulation de première instance. Ici, intentionnellement, je vais juste vous en nommer deux, et vous ferez le reste. Vous irez chercher les... Ceci étant, ici, la naissance. Voilà, on vient au monde ici. Ça, c'est les chaînes d'hémoglobine. Ici, oui. Ça, c'est les chaînes d'hémoglobine. Voyez-vous que quand on a 3 mois, quand on a 6 mois, on n'a pas les mêmes chaînes d'hémoglobine qui vont constituer l'hémoglobine. Quand on a 6 mois, excusez, quand on a 6 mois et plus, on a tout le monde juste ces deux chaînes. Ces deux-là s'appellent alpha et bêta. Donc, une molécule d'hémoglobine normale, qui est plus de 280 millions par globule rouge, est constituée de deux chaînes alpha et de deux chaînes bêta. Vous avez vu ça, les séquences primaires, secondaires, tertiaires, des molécules? Non, biochimie, le bas. Non. Non. Non. Mais on est en biochimie. Vous êtes en train de le faire, là? Mais on va. OK. Voici, on va le faire. Dans ce cas-là, je vais enlever mon vieux stock. Une chaîne d'hémoglobine. Une chaîne peptidique. Il y en a deux alpha. On dit que ça, c'est alpha. Il y en a deux bêta. Ça, c'est bêta. C'est quoi ça? C'est 141 acides aminés repliés sur elles-mêmes parce qu'ils sont constitués et les ponts font qu'ils donnent une boule. Pour faire de l'hémoglobine, malheureusement, j'en ai oublié une, ça m'en prend 4, comme ça. Ça, ça ferait de l'hémoglobine. 4 chaînes. Alpha 2, bêta 2. C'est notre hémoglobine à tous. Bébé, lui, pendant le processus de développement, possède toutes sortes de chaînes. C'est toujours majoritairement, par exemple ici à 3 mois, c'est ces deux chaînes-là surtout qui s'apparient parce que c'est ces deux-là qui sont dans le cytoplasme de l'érythroblaste. Donc, il n'y a pas la même hémoglobine que nous parce que nous, c'est ces deux-là qui s'apparient. La seule information, on s'est dit, ah, bébé, il y a une hémoglobine différente, puis ça fait plus de globules rouges pour des raisons fondamentales. Donc, ce que je m'attends de vous pour la semaine prochaine, c'est que vous m'ayez identifié chacune des chaînes. Et vous comprenez qu'on aura des hémoglobines différentes en fonction des stades de maturation du fœtus. Donc, les prochaines diapos. Vous pouvez mettre un X dessus dans le sens où elles ne seront pas à l'examen. Et je n'ai aucune question sur l'hémoglobine proprement dite, parce que je ne pense pas que ça soit quelque chose pertinent pour les cliniciens, mais je veux vous le montrer une fois. Comment ça marche? Le fer, l'hémoglobine. Ceux qui ont fait science de la santé, là, il y en a l'air sur une passée, là. Rappelez-moi ça, j'ai besoin d'un coup de main ce matin. Le fer et les murs, ça constitue les murs. Transport. Transport, ouais. Le fer, c'est plus là que sur les murs. Et après ça, transporte l'oxygène. L'oxygène, vous n'avez pas eu là-dedans. OK. Puis, ça génère le tissu du corps. OK. c'est aussi simple que ça, et c'est vrai. Mais c'est aussi un peu plus complexe que ça. Je vais vous le montrer une fois, parce que je pense que pour un clinicien de première ligne, ça n'a pas d'intérêt de le savoir en détail, mais c'est intéressant comme connaissance. Une chaîne de globules. 141 ou 146 acétaminés, repliés. C'est la structure primaire, c'est les 141 ou 146 acétaminés. La structure secondaire, ça va faire des hélices. La structure tertiaire va donner une boule. Au centre, comme ça, il y a une poche, qui est vraiment comme ça, qui s'appelle la poche de l'EM. Donc, l'EM, c'est ni plus ni moins un... C'est ni plus ni moins un anneau chimique planaire, comme ça. Là, il est un peu disproportionné. Mais il faudrait en principe qu'il rentre dans ma poche de l'air. Ça va? Donc, il va rentrer là, lui, c'est constitué comme ça dans les érythroblastes, donc dans nos jeunes cellules. Ça, c'est mon fer. Ça, c'est le fer, l'atome de fer avec ses électrons en mouvement. Quand on passe au poumon, il arrive au poumon, il est comme ça. Il est complètement délocalisé, l'atome de fer. Il est tendu par une histidine qui est ce côté ici. Il est accroché. Et la distance entre les électrons qui sont là et l'autre histidine, c'est trop grand pour qu'ils viennent s'attacher. Il arrive des tissus, il arrive sous cette forme-là, ça s'appelle de l'hémoglobine désoxygénée. Ça a relâché son oxygène dans nos tissus. L'oxygène a fait son travail dans les tissus. Il arrive au poumon et le gaz, qui est l'oxygène, on l'a vu tantôt, va passer facilement à travers ces petites alvéoles-là, va passer à travers la membrane du globule rouge, puis va rentrer dans le globule rouge facilement. Il va venir se brancher ici. Et la distance, donc, entre l'atome d'oxygène et l'autre histidine se raccourcit, et là, il peut se fixer sur l'histidine. Quand il fait ça, il tire sur le fer comme ça pour le replacer au centre. Ça s'appelle de l'hémoglobine oxygénée. Ça se fait sur une chaîne, mais ça se fait sur les quatre chaînes, à des vitesses différentes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la molécule participe. Si vous comprenez que quand je tire sur l'histidine qui est ici parce que je mets de l'oxygène, j'induis une modification. L'autre à côté, il fait pareil, l'autre. Donc, ça s'appelle de la transconformation. La molécule d'hémoglobine bouge comme ça entre vos poumons et vos tissus. Et c'est là qu'elle relâche son oxygène. Plus que ça, ici au centre, il y a un petit trou qui s'appelle la poche du 2,3-DPG. C'est un effecteur allostérique extrêmement important pour la molécule d'hémoglobine. Donc, cette transconformation-là, si vous avez quelque chose à retenir, c'est ça qui explique que l'hémoglobine est en forme oxygénée ou désoxygénée. Ça ne se fait pas... par miracle, on sait comment ça fonctionne depuis longtemps, mais c'est cette transconformation-là qui induit les mouvements d'oxygène et qui induit, dans le fond, les courbes de dissociation de l'hémoglobine. Vous avez probablement vu des courbes de dissociation de l'hémoglobine, et c'est complètement tributaire de ceci. L'oxygène est dans la chaîne moléculaire qu'on voit là? Oui, le diapos qui monte mieux. Ça, c'est l'air ici. Ouais. Ça, c'est mon anneau planaire. Mon fer est ici au centre de l'air, qui est arrivé, on le verra, par le transport plasmatique. Et il est assez facile à attacher sur une histidine, mais trop loin de la suivante. Voyez-vous, ici, ça le représente. Donc, mon fer, mon anneau planaire, mes acides aminés qui constituent une chaîne de globine, qu'on retrouve sur chacune des chaînes de globine, ma liaison permanente de l'EM avec l'histidine proximale et mon arrivée d'oxygène qui va créer la tension, qui va faire bouger cette portion-là et qui va emmener tout le mécanisme de transconformation. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne s'intéressent pas du tout, c'est pas grave, c'est pas un examen. Je voulais juste vous dire que ça existe. Oui? Moi, je ne me souviens pas que vous avez expliqué histidine, c'est quoi? Histidine, c'est une des 141 acides aminés qui composent cette chaîne d'amidon. C'est la structure primaire. Okay. C'est une des 141 acides aminés. Oui? Puis, à un moment donné, dans l'explication, vous avez continué le fer. Ouais. Moi, je ne comprends pas trop. Le fer, il est au centre de l'île. Ça, c'est l'M. Ça, c'est mon atome. C'est mon... La molécule d'âme, c'est mon blanc. Ouais, mais ça, maintenant, c'est où, là? C'est dans la poche. Normalement, c'est dans la poche de l'âme. Comme ça. Ça s'appelle la poche de l'âme. C'est rentré là, comme ça. Pour que ça rentre juste dedans. Dans chaque cas. Oui. Donc, combien y a-t-il d'atomes de fer dans une molécule d'hémoglobine? Quatre. Il y en a quatre. Combien y a-t-il... Ça, c'est une chaîne de globine. Chaîne de globine. Les quatre ensemble, ça va faire de l'hémoglobine. Il n'y a qu'un seul M par chaîne? Il n'y a qu'un seul M par chaîne de globine. Il y en a quatre pour l'hémoglobine. Oui. Puis, OK, transconformation. Transconformation. Transconformation, c'est ça qui va faire qu'on attache ou non la molécule d'oxygène? Qu'on relâche, oui, ou qu'on attache la molécule d'oxygène. Tout à fait. Oui? Non, c'est bon. C'est bon? C'est un peu abstrait. Un peu abstrait? Hyper concret? Non, mais hyper concret avec ça, mais quand je pense à prendre les objets et de penser à ça dans les autres villes. Attends, est-ce que vous pourriez faire un dessin, mettons, ça, c'est dans ça, ça donne ça? On part de la base. Mon blanc, c'est l'aime qui est là. C'est une structure pyrolique. Bon, ça n'a pas d'atome important. C'est l'M qui est là. Au centre de mon M, mon atome de fer va venir se brancher là, va venir se plugger là, comme quelqu'un a dit tantôt, avec ses électrons en circulation. On est encore ici. Quand ça, dans le cytoplasme de notre érythroblaste, qu'on verra tantôt, va venir rentrer là-dedans, cette portion-là de mes électrons ici vont s'attacher avec l'histidine proximale, qui est une des 141 acides aminés qui composent cette boule-là, okay, qui s'appelle la globine. L'autre, la distance est trop grande, puisque le fer est délocalisé, comme ça, la distance est trop grande pour que ça vienne s'attacher de l'autre côté. Donc, c'est vide. Les électrons circulent ici, ils ne sont pas capables de venir s'attacher. J'en mets quatre comme ça. Ça s'appelle quatre chaînes de globine, okay, qui vont devenir de l'hémoglobine quand j'aurai mis tout ça ensemble. Donc, quand j'en mets quatre comme ça, ça paraît mal. Mais quand j'en mets quatre comme ça, ça fait donc quatre fois avec une poche, quatre globines, avec une poche d'M, avec quatre noyaux d'M, avec quatre chaînes polypeptidiques. Et quand je mets tout ça ensemble, ça va faire de l'hémoglobine. Sa façon de capter ou de relâcher de l'oxygène, c'est un mécanisme qui s'appelle la transconformation, qui va faire bouger la molécule. C'est bon? On va s'arrêter là parce que je ne veux pas vous perdre mon temps. La dernière fois, l'hémoglobine, c'est 4M. 4M. Puis il va y avoir du fer. Ça va s'appeler désoxyhémoglobine ou oxyhémoglobine, dépendamment s'il y a de l'oxygène ou pas. Bon, on va le voir dans la synthèse. Puis, ça, c'est, oui. Ben ça, là, ces quatre-là, c'est un hémoglobine, ouais. Puis il y en a 280 millions dans plus un globule. Par globule. Ah, ouais. Tout à fait. C'est les cours de dissociation d'oxygénation de l'hémoglobine dans l'hémoglobine. C'est pas long. On revient à quelque chose qui est matière à, non pas juste à examen, mais à compréhension. C'est bon, on sort de l'abstrait, puis on revient dans le très concret. Ça s'appelle la biosynthèse de l'hémoglobine. Donc, on va avoir besoin de connaître comment est fabriquée l'hémoglobine, puis comment elle est détruite, puis quels sont les signes cliniques qui vont se rattacher à des déficiences de la synthèse ou à des déficiences du catabolisme de l'hémoglobine. Ici, vous avez un érythroblaste, donc une cellule jeune de la ligne érythroblaste. Je vous mets en encore le petit carré qui est ici. J'ai donc une partie de plasma extracellulaire, ou moelle, tissu médulaire. J'ai une partie de cytoplasme de la cellule avec une mitochondrie, puis j'ai un petit bout de noyau. Ça va? C'est ce qui est représenté ici. Mon petit bout de noyau, ma très grosse mitochondrie qui est un peu disproportionnée, et le cytoplasme de la cellule et l'externe de la cellule. Donc, on s'est dit brièvement la semaine passée que le fer va être absorbé au niveau de la cellule intestinale, va être couplé à une molécule qu'on verra la semaine prochaine qui va s'appeler la transférine, et va être amené jusque dans la moelle, c'est une molécule, ça passe donc à travers les vaisseaux facilement, va être amené jusqu'aux érythroblastes. Le fer va être transporté puis va être incorporé dans la mitochondrie. À partir de choses que vous verrez en biochimie, qui sont le succinyl-CoA et d'autres métabolites, on est capable de fabriquer une protoporphyrine et qu'on appelle de l'hème. L'hème, c'est quoi? C'est notre protoporphyrine qu'on a vu tantôt. C'est ceci sans fer. Protoporphyrine, c'est ceci sans fer. Quand je mets le fer dedans, ça ne change rien d'autre que le nom et la possibilité d'appuyer le fer dedans. Donc, ça s'appelle de l'hème. Ça se fait par un ensemble de réactions que je serais très à l'aise de vous demander à l'examen. Mais il faudrait que je regarde sa carte, c'est quoi les noms, parce que je m'en souviens plus, ça ne m'intéresse pas. Et puis ça ne vous intéresse pas. Donc, ces réactions-là, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, l'hème est fabriqué dans la mitochondrie de nos érythroblastes. Correct? Je simplifie ça quand même. Le noyau contient nos chromosomes, contient donc nos gènes, et contient, par exemple, nos gènes alpha et bêta. Donc, je rappelle, une hémoglobine normale, comme la nôtre, est composée de deux alpha et de deux bêta. Oui? Là, je vois le mot protoporphyrine, puis oui. Ça me fait penser à la maladie de la porphyrie. Est-ce que ça a un lien direct oui. Avec ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment une anomalie qui fait qu'on extrait de la porphyrine des porphyrites. Bon, donc nos gènes vont coder pour des ARN messagers et on va fabriquer par exemple des chaînes alpha avec des polyribosomes que vous avez probablement vu dans un cours quelconque de vidéo. Et même chose pour bêta. Donc, je fabrique d'un bord des chaînes alpha, l'autre bord des chaînes bêta. Ils vont se dimériser, alpha-bêta. Ils vont se tétramériser, alpha-2-bêta-2. C'est ce qu'on a. Ça, ça s'appelle totalement la globine. Si on veut être très, très strict, alpha-2-bêta-2, sans M, c'est la globine. Donc, on peut avoir des chaînes de globine, qui était ce qu'on voyait tantôt dans une boule bleue. Mais si on veut avoir la globine au complet, on a besoin d'alpha-2-bêta-2. Ce n'est pas de l'hémoglobine. C'est de la globine. Ça va se coupler avec une, va se coupler avec quatre molécules d'air qui vont rentrer dans les quatre poches. Ça va faire de l'hémoglobine. Oui? Production à partir d'activation de nos gènes, alpha-bêta, production de chaînes alpha, production de chaînes bêta. Dimérisation des chaînes, alpha-bêta, tétramérisation, alpha-2, bêta-2. Donc, j'ai quatre boules bleues, il n'y a pas d'M. Ça s'appelle de la globine. L'M qui a été produit par ma mitochondrie, J'en prends 4 molécules qui viennent se fixer là-dedans. Ça s'appelle de l'hémoglobine. C'est comme ça que notre corps, dans nos érythroblastes, fabrique l'hémoglobine. Au tout début, quand on est complètement dans le haut de la lignée, il y en a très peu. Le cytoplasme est bleu, bleu, bleu. Plus la cellule va maturer, plus ça va prendre de l'importance et plus notre cytoplasme du globule rouge va devenir rouge. Il y avait... Oui, oui. En fait, je pense que ça n'a pas jamais répondu. C'est bon. Facile pour moi, en ce temps-là, quand la question est posée et les répondre. C'est seulement quand il y a assez d'hémoglobine dans le globule rouge que le noyau disparaît. C'est une bonne question, ça. Je ne suis pas sûr que le lien est aussi direct que ça pour l'extrusion du noyau. Mais pas probablement qu'il y a un lien, sinon on ne serait plus capable d'en fabriquer s'il n'y avait pas de noyau. Donc, probablement qu'il y a une quantité optimale ou suboptimale qui est atteinte quand le noyau est extrudé. Oui? Le noyau, il est comme détruit à l'intérieur. Non, il est envoyé à l'extérieur. Complètement à l'extérieur. Donc, dans la moelle, quand vous allez prélever, si quelqu'un veut aller dans la moelle, on se retrouve avec des noyaux. Il arrive qu'il y a juste des noyaux, il n'y a plus de cytoplasme. Ce n'est pas des cellules, c'est juste des noyaux. Des noyaux qui ont été extrudés comme ça de cellules. Okay. Oui? La biosynthèse de l'hémoglobine, dans le fond, ça correspond à la maturation. Parce que ça, tout ce machin-là, après, ça ne sort pas de la cellule pour aller faire une autre cellule. C'est cette cellule-là qui va devenir un cellule. Tout à fait. Tout à fait. Mais le noyau, parce que je vais dire. La synthèse de l'hémoglobine, elle commence où dans la lignée? Elle commence au tout début, au prodromoblaste. Ouais. Oui? Ben, je me demandais juste qu'est-ce qui se passait donc avec le noyau après. Le corps, il s'en débarrasse. Il est extrudé dans la moelle et il est phagocyté par le système des phagocytes monoclonaux. Ça va? Quelles sont les maladies? Là, c'est pas parce que je veux qu'on voit des maladies, je veux qu'on en parle d'une minute pour être capable de comprendre. On va remarcher ce qu'on vient de dire de l'autre façon. J'ai une cliente qui... mettons, si vous pratiquez ici à Trois-Lacs, là, c'est pas grave. Mettons à Montréal, ça arrive plus. Qui vient du bassin méditerranéen et qui est porteuse d'une thalassémie. Thalassémie, c'est une atteinte, soit au niveau du gène alpha, soit au niveau du gène bêta. Donc, on parlera d'une alpha-thalassémie ou d'une bêta-thalassémie. Là, je vais juste vous poser une question à tout le monde, sans, puis je veux pas de réponse. Que tout le monde fasse l'effort. Comment seront les globules rouges en termes de taille d'une cliente qui serait thalassémie? Alpha ou bêta, pas de réponse. Je ne veux pas de réponse. Je veux juste vous y réfléchir. Je fais le processus avec vous. J'ai, par exemple, une thalassémie homozygote, ce qu'on appelle bêta 0. Donc, bêta 0, le gène ne produit plus. Donc, plus capable de coder pour la chaîne bêta. Je code donc des chaînes alpha. Il y aura quelqu'un d'autre, il y aura l'autre gène qui va prendre la relève, jamais aussi efficacement, puisque ce qui est optimal pour nous, comme adultes, c'est alpha 2, bêta 2. Et c'est là qu'on a l'hémoglobine optimale qui est capable de prendre l'oxygène et d'en relâcher le plus facilement possible. Je n'ai plus de gène. Je fabrique mes chaînes alpha. OK. J'ai une autre chaîne qui est fabriquée. Mettons gamma. Ça va dimériser un peu, tétramériser un peu, mais jamais avec une efficience maximum. Donc, j'aurai moins de molécules de globine de produit. Si j'ai moins de molécules de globine de produit, j'ai donc moins d'hémoglobine. Ça va pour tout le monde? Si j'ai moins d'hémoglobine pendant un processus de division en 5 étapes, par exemple, du pronormoblaste à l'érythroblaste ou au réticulocyte, j'en ai moins. Il va y avoir une division supplémentaire pour essayer d'avoir la concentration optimum d'hémoglobine. Donc, ma cellule, mon globule rouge, sera plus petit. Donc, sera une microcytose. Tous les gens qui ont des atteintes au niveau de l'hémoglobine ont des globules rouges plus petits. Donc, à l'inverse, pour vous, comme clinicien, quand vous allez voir une formule sanguine avec un VGM, volume globulaire moyen, qu'on verra tantôt, plus petit que la valeur normale, ça doit vous ouvrir, vous allumer sur des pathologies qui atteignent l'hémoglobine. Vous allez me dire, ah, ouais, c'est pas notre professeur, patati et patata. Mais je pense que quand on est en première ligne, parce que c'est avec vous aussi qu'il y aura des discussions des fois quand elles vont revenir, si elles sont retournables en maison de naissance. Et puis, je pense que comme professionnel, c'est correct aussi de comprendre. Donc, tout ce qui atteindra. Mais si j'ai un problème, j'ai la même résonance. Si j'ai un problème de fer, j'ai la même résonance. J'ai le même écho. Fer, moins d'hème, moins d'hème, moins d'hémoglobine, plus petite cellule. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, quand on a parlé que le fer donnait, les dépressions en fer donnaient en général des microcytoses, puis les dépressions en folique de douche donnaient en général des macrocytoses. C'est bon? C'est-tu clair pour tout le monde? Donc, tout ce qui atteint ceci, pour le clinicien que vous allez devenir, va se répercuter en quelque chose de plus petit comme globule rouge sur la formule sanguine. Bon. Je ne peux pas être plus clair que ça. Non? C'est bon. Oui? Mais pourquoi que ça, la thalassémie, c'est plus dans le bassin méditerranéen quand on voit ça? Ou? C'est probablement les alliances qui se sont faites au cours de l'évolution de l'homme. Par exemple, en Afrique, tu as plus tel type de thalassémie, mettons plus les atroits. L'autre, tu as plus les baies. Probablement des mariages consanguins que lui, tout ça, fait que ça a fini par faire. Comme au lac Saint-Jean, ici, on n'a parlé que du Québec, on a des pathologies lipidiques propres au lac Saint-Jean. Ça n'existe presque pas ailleurs, ou ça existe de façon beaucoup plus fruste ailleurs, tandis qu'on en a plus au lac Saint-Jean. Ça vient souvent de mariage consanguin. Mariage, mettons en vue de mon mariage, ça vient souvent d'alliance consanguine. Mais dans ce temps-là, c'était plus mariage. Oui? Comment on fait pour comment on va faire pour faire la différence? Mais cliniquement, je ne sais pas comment on fait. On voit juste qu'on a une anémie microcytaire pour les deux. Microcytaire? Je ne sais pas comment on voit que c'est différent. Continuez. Ben, c'est sûr que si on donne du fer, ils vont faire plus d'hémoglobine. C'est d'aide. Là, ça peut encore débalancer. On arrête? J'ai une formule sanguine, je vous indique, une anémie microcytaire, comme tu as dit. Donc, j'ai deux possibilités, les deux plus grandes possibilités, anémie périprime ou thalassémie. Qu'est-ce qui va me permettre de distinguer entre ces deux-là? Alors, j'ai symptômes à la main. Les niveaux de fer. Les niveaux de fer. Le bilan du fer dans la dépression, va nous montrer une dépression des réserves, va nous montrer une dépression du fer. Dans l'autre, va nous montrer qu'il y en a masse de fer. Parce que quand j'ai une atteinte ici, mon fer, lui, il rentre là, il fait de l'aide, il n'y en a pas trop. Il y en a même trop des fois. On se retrouve des fois avec trop de fer. Donc, c'est complètement différent. On va avoir des cellules qui vont être un peu différentes, qui n'auront pas la même hémoglobine. Il va donc avoir des chaînes aussi de globine qui vont être produites puis non utilisées. Ça fait ce qu'on appelle des ponctuations dans les globules rouges. Puis, vous pouvez un peu les interpréter des fois comme, mettons un petit caillou dans une balloune. Si la balloune vole sur le mur, elle va avoir beaucoup plus de facilité à se briser. Donc, imaginez-vous, quand le globule rouge sort ici, il y a énormément de turbulence. À chaque bifurcation, il rebondit sur les parois. Fait que s'il y a comme une petite aiguille dans son, dans son, cytoplasme, il va avoir tendance à briser beaucoup plus facilement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'agrégats de chaînes de globules. Mais, vous voyez, on est capable, on n'est pas rendu très loin, là, on est déjà capable de dire comment on va faire pour distinguer ce qui nous donne une première image à la formule sanguine pareille, une thalassémie, une dépression en fer. On est déjà capable, juste par ça, de comprendre c'est quoi, comment on va aller plus loin dans notre raisonnement clinique. En symptomatologie, il y aura aussi des différences, mais pas assez fortes pour faire un diagnostic avec assurance. Tu vois? Tu as un autre nom? Oui? J'ai une petite question par rapport à la anémie. À cause d'un manque de fer, on donne comme traitement le fer, mais pour la thalassémie, moi j'ai vu qu'ils ne donnent pas de traitement pour les femmes, je ne sais pas, mais il y a un traitement qu'on donne, donc pas de traitement. J'ai la thalassémie. En gros, je donne du fer. Je fabrique plus d'herbe. Ça va arriver. Il n'y a pas de traitement. Mais tu peux pas créer de l'ARN dans ta jambe. OK. Donc, quel est le traitement d'une thalassémie majeure? Thalassémie mineure, là, aux clientes, là, ils peuvent accoucher d'une thalassémie mineure. La plupart du temps. Il faut un petit suivi, mais. Une thalassémie majeure, l'espérance de vie, c'était dans la vingtaine, début de trentaine, thalassémie majeure. Quel est le traitement? Greffe. Faut changer tout ça. Donc, comment on fait pour changer tout ça? Une greffe. Moi, là, ça. Il n'y a pas d'autres traitements possibles. Sinon, il y a des traitements d'entretien, des transfusions, ici, tout ça, mais ça, à chaque fois qu'on donne des transfusions, il faut donner ce qu'on appelle un élément chélateur de fer, parce qu'à chaque fois qu'on donne des transfusions, on donne énormément de fer, puis ça finit que ça se complique. Des pathologies plus grandes. Oui, c'est guéri. Si ça prend, c'est guéri. Ben, mineur puis majeur, ça va être quoi qui va déterminer ça? Ça va être que il va avoir un petit peu de bêta ou pas pantoute? Il y a 4 loxy, par exemple, sur le gène du alpha. Indépendamment s'il y en a 1 d'atteint, 2 d'atteint, 3 d'atteint, 4 d'atteint. On a des pénétrances différentes, parce qu'on a des maladies qui sont plus ou moins fortes. C'est clair pour tout le monde? Bon, vous êtes bon. On n'arrive pas. Ça ne ressemble pas tout à fait des fois à d'autres cours, je peux en comprendre. C'est un petit plaisir d'avoir quelque chose de différent. Ça fait moins énoncé, hein? On souligne ce que le professeur dit. M'excuse, c'est un peu différent, mais en général, c'est correct, ça vous permet de faire les liens plus facilement que juste d'apprendre par cœur. L'autre élément qui peut avoir de l'importance pour vous, c'est les petits bâtonnets. On va prendre l'urine de quelqu'un, on va tremper un petit bâtonnet, et puis là, on va dire « Wow, il y a du sucre » ou « Wow, il y a de la globine » ou « Wow, il y a des hématies. » Okay? Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous, les présences de l'hématie. Et pour ça, on va regarder la dégradation. Donc, on a vu la synthèse de l'hémoglobine, on va regarder la dégradation de l'hémoglobine. On va commencer par le mécanisme qui se fait actuellement pendant que vous êtes assis. Pendant que je suis debout. C'est notre façon normale de faire. Ça s'appelle l'hémolyse extravasculaire. En dehors des vaisseaux extravasculaires. On n'a pas d'hémolyse dans les vaisseaux normalement. Parce que quand on court, hein, on ne peut pas tout à fait dormir. On peut quand même dormir. Donc, nos globules rouges atteignent la sénescence, atteignent leur durée de vie maximale, 120 jours, vont être captés au niveau splénique, donc au niveau de la rate, Et parce qu'ils sont devenus, comme on l'a vu la semaine passée, une boule assez ferme, assez rigide, ça prend plus de temps à passer au travers des sinus de la rate. Donc, les macrophages ont le temps de s'approcher et de phagocyter les globules rouges. Parce qu'il y a eu des modifications de la membrane aussi du globule rouge qui donnent des signaux. Le macrophage phagocyte les globules rouges, sépare l'herbe, les composés, le fer, les protéines, renvoie les protéines dans leur poule, prend le fer, l'envoie sur une apotransférine, donc une molécule qui s'appelle transférine, mais qui n'a pas de fer, on appelle ça de l'apotransférine. Le fer se fixe là-dessus. On a vu la semaine passée que le fer, c'était un cycle fermé. Donc le fer qu'on va récupérer de nos 280 millions de molécules dans chaque globule rouge va être rechargé sur de l'apotransférine dans le plasma et va être retourné à la moelle pour fabriquer de l'hémoglobine. On va faire de la bilirubine avec l'herbe. On va ouvrir les anneaux, puis on fait de la bilirubine. La bilirubine, on va la relâcher à partir du macrophage, qui va être captée par l'albumine. On va emmener ça au foie, on va la conjuguer et on va l'envoyer dans les fesses. On va aussi en enlever un peu par la proglobine, mais c'est assez secondaire. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement chez nous tous. C'est comme ça qu'on est en train de dégrader nos vieux globules rouges. Et je vous rappelle que c'est une masse colossale, c'est un travail colossal qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on va dégrader un 120e de notre masse érythrocytaire, qui est quand même de l'ordre de 4,5 par 10 à la 12 globules rouges par litre. Donc on a à peu près 5 litres de sang. Ça fait quand même beaucoup de globules rouges qu'on va dégrader aujourd'hui. Et ça va se faire sans qu'on y pense, puis sans qu'on ait de signes ou symptômes. On se retrouve avec une situation pathologique. Donc ici, les situations pathologiques qu'on pourrait retrouver, on va les voir plus au niveau de la bilirubine. On verra un peu plus tard, bilirubine directe, bilirubine indirecte, qu'est-ce qui donne, ben, tous donnent un certain itère, mais quand on mesure, quand on vous donnera un résultat de laboratoire de bilirubine directe ou bilirubine indirecte, on n'est pas du tout dans la même chose. Donc, en termes d'interprétation, pour un clinicien, c'est complètement différent. On se retrouve dans d'autres mécanismes qui existent dans notre corps, dans l'hémolyse intravasculaire. Hémolyse dans les vaisseaux intravasculaires. En général, ça arrive peu. Si on se retrouve avec un globule rouge qui est mal formé, avec un globule rouge qui est porteur d'un anticorps, avec un globule rouge, il existe plein de situations pathologiques. Un globule rouge qui est moins efficace, qui est plus vieux aussi, quand il arrive dans une bifurcation de l'arbre vasculaire, il se brise. Donc, l'hémoglobine que contient le globule rouge est libérée dans le sang. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'hémoglobine qui reste dans le sang. Donc, immédiatement, l'hémoglobine libérée va être... Excusez-moi. Oui, docteur Perron. Donc ici, ça arrive très peu souvent. Ça arrive si on a un globule rouge mal constitué, si on a un globule rouge qui est devenu trop vieux, qui n'a pas été phagocyté par la rate, si on a un globule rouge qui est porteur d'anticorps. Il y a toutes sortes de situations pathologiques dans lesquelles ça arrive. Donc, dès que le globule rouge éclate, il libère l'hémoglobine dans les vaisseaux. Ça n'arrive pas normalement, il n'y a pas d'hémoglobine libre dans nos vaisseaux. C'est tout de suite capté par une molécule qui s'appelle l'arthroglobine. Important aussi comme résultat de laboratoire. Si on vous dit que votre client a une chute d'arthroglobine, c'est quand elle l'hémolyse dans les vaisseaux. Diminution d'arthroglobine. Parce que dès que l'arthroglobine se lie à l'hémoglobine, elle est dégradée au niveau hépatique. Donc, il reste moins d'arthroglobine dans la circulation. Ça veut dire que, pour le clinicien, il y a de l'hémolyse des globules. Excusez-moi. Donc, on a trois mécanismes de protection. Le premier, c'est l'arthroglobine. S'il y a trop d'hémolyse et que ça déborde la protection de l'arthroglobine, on dissocie, on oxyde avec de l'oxygène et on fait de la méthémoglobine qu'on va envoyer aussi au foie. Petit mécanisme, pas très important, mais quand même qui nous aide. Troisième mécanisme, c'est de la dissociation de notre alpha 2 bêta 2. Alpha 2 bêta 2, c'est différent de 2 alpha bêta. Ça, ça a un poids de 64 kg d'alta. Ça, ça a un poids de 32. C'est 2 alpha bêta. C'est comme une dimérisation. C'est un exemple. 64, pas capable de réabsorber au niveau rénal. 32, capable de réabsorber au niveau rénal. Le cut-off est à peu près assez hauteur. Donc, le rein va filtrer, va réabsorber une partie de mon dimère jusqu'à une certaine limite. Et tout à coup, le signe clinique apparaît. Quand vous avez de l'hémoglobinurie, urine, hémoglobine dans l'urine. C'est pas la même chose que hématurie. Hématurie urine, hématoglobine. Donc, quand vous allez tremper le petit bâtonnet dans l'urine, puis qu'il y a de l'hémoglobine, donc ça s'appelle de l'hémoglobinurie. Pour le clinicien, ça veut aussi dire, comme l'orthoglobine, qu'il y a beaucoup d'hémolyse dans les vaisseaux, ça a débordé les mécanismes de protection, et c'est devenu de l'hémoglobinurie. C'est pas anodin, là. Avant d'avoir de l'hémoglobinurie, ça prend quand même pas mal de choses. S'il y a des vestiges de menstruation, ça n'a rien à voir. Parce que ça, ça va donner de l'hématurie. Les cellules sont complètes. Hématurie, on mesure la présence de globules rouges. Ce n'est pas la présence d'hémoglobine. C'est quelque chose de très différent. Donc, pour le clinicien, hémoglobinurie, hémolyse de globules rouges. Hématurie, ça peut être quelque chose d'aussi grave que des syndromes néphrotiques. Ça peut être juste des infections, ça peut être juste des vestiges, des menstruations. Il y a de l'interprétation à faire passablement à l'anamnèse. Tandis que dans l'autre, il n'y a pas beaucoup d'interprétation. Hémoglobinurie en général, hémolyse. Oui? Hématurie, c'est une stache. Oui. L'autre, c'est juste l'hémoglobine. Juste l'hémoglobine, tout à fait. Donc, on n'a pas de cellules. Parce que les cellules ont été hémolysées dans la circulation sanguine. C'est bon? Oui? Le premier mécanisme, c'était l'aptoglobine. L'aptoglobine? Le deuxième, c'était l'oxydation. L'oxydation. Puis le troisième, la filtration rénale. Trois mécanismes de protection qui se superposent pour empêcher que l'hémoglobine circule dans notre sang. Oui? Comme arriver un petit peu, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de dégradation de l'hémoglobine dans les vaisseaux sans que ça soit compensé par ces mécanismes? Oui, tout à fait. S'il y a un problème, c'est un signe clinique. Exactement. Par exemple, actuellement, on a tous des globules rouges qui sont en train d'hémoliser aussi dans nos vaisseaux, mais en toute petite quantité. L'hémoglobine est pris en charge par l'aptoglobine, ce qui nous donne une valeur normale d'aptoglobine. On reste tous avec une valeur normale d'aptoglobine. La valeur anormale d'aptoglobine, c'est sa chute, parce que trop d'hémolyse. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une certaine hémolyse dans nos vaisseaux. Oui? Est-ce qu'on peut dire que l'hémoglobine, c'est une protéine? Oui? C'est même une protéine allostérique. Allostérique. Ce que tu veux dire? Oui. Ça veut dire que vous avez, quand la, Peut-être vous mêlez un peu. Je le dis pareil. La première molécule d'oxygène qui se fixe à la première chaîne agit d'une vitesse et la quatrième rentre à peu près 200 fois plus rapidement que la première. Donc, ça donne une courbe allostérique de dissociation de l'hémoglobine. Ben bon, on est loin un peu du quotidien. Oui? Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Par la filtration, c'est là qu'on va voir qu'on fait l'hémolyse intravasculaire. C'est comme la première, après si ça marche pas, on tombe dans la deuxième oxydation. Puis après ça, si ça marche toujours pas ou on gère toujours pas bien le problème, on tombe en filtration, c'est là qu'on va le voir. Filtration, on va réabsorber, c'est encore un mécanisme de protection. Puis c'est ce qui va sortir de là qui va donner de l'hémoglobine. C'est par la filtration. Sur oui. Quand les trois mécanismes sont débordés, c'est là qu'on a le signe. Si la filtration est défaite, on ne verra pas. On verra rien. Tout à fait. C'est bon? Êtes-vous mieux pour un break? Non, pas de break. Dans les deux premiers, il n'y aura pas de break. Non. Non. Ni le troisième, s'il n'est pas débordé. OK? Après la pause, on commence à regarder nos premières formules sanguines. Donc, je fais un peu de la vente, de la publicité, pour que vous veniez à c'est bon? Merci. Bon café. Merci.